Somnambule, somnambule, bulle, bulle, bulle, marre de vous, marre de vous, marre de vous, vous êtes con, vous êtes con, vous êtes con, con, con, con. Contribue, contribue, contribue, alors, qu'est-ce qu'il dit, lui? Attends. Sharon, see something to me whilst I wait entertaining. Or, just come over here and have with ever is quicker. Ah, tu sais qui c'est ça? C'est Andy. À tous les coups. Andy, is that you? Oh yes, this is Andy. Andy ou Neymar? Tu vois quelqu'un écrire en anglais des phrases, des phrases, des kilomètres de phrases, c'est Andy. C'est simple. Bon, allez, je vais me foutre une drogue là, ça va me réveiller. J'en ai marre, je vais dormir. Alors, attends, je vais me mettre samba. Je pense pas, I don't get the detail. Thank you. Thank you. Thank you. Get one, two. Thank you. Thank you. Thank you. Thank you.